fallait les goûter, les goûter me faire croire que grand-père était gaulois. Dansez, dansez pour ne plus écouter, dansez, dansez pour pouvoir s'envoler, dansez, dansez pour pouvoir raconter, dansez, dansez pour ne plus préjuger. M'apprenait à ne plus avoir droit. Je me suis envolé car je voulais danser, rire, chanter, puis voir ce qu'on nous montre pas. Danser, danser pour ne plus écouter, danser, danser pour pouvoir s'envoler. Dansez, dansez pour pouvoir raconter, dansez, dansez pour ne plus préjuger. Présent qui me féconde, fait renaître l'amant, libère la pensée qui reprend tous ses droits. Je danse pour de vrai sur mon fil nuité, sans plus rien à faire croire, sinon ce que je vois. Dansez, dansez pour ne plus écouter, dansez, dansez pour pouvoir s'envoler, dansez, dansez pour pouvoir raconter, dansez, dansez pour ne plus préjuger. Le temps me déverse et brise les carcans. J'adore tout ce qui est rire de ce qui sera. Je danse pour de vrai sur vos toits préjugés, sur les idées trop noires, sur l'enfer et vos croix. Dansez, dansez pour ne plus écouter, dansez, dansez pour pouvoir s'envoler, dansez, dansez pour pouvoir raconter, dansez, dansez.